comprendre ça trop tard. Je travaille au noir. Je travaille au noir. Et ensuite l'adolescence, ma période d'insouciance. Je travaillais 35 heures semaine dans un poste à essence. Crissé solo au bout d'une semaine. Quand j'ai vu ce qu'il y en a sur mon chèque, le réduit qui se crosse avec. Retour à mes anciennes amours, le commerce illégal. Je me suis mis à vendre la pilule au red light de Laval. Je pense que j'aurai jamais besoin de me faire faire un rapport d'impôt. Mon nouveau boss, il crisse dans le dos. Payé de syndicats ni d'assurance chômage. Mais quand vient le temps de casser les jambes, moi je manque jamais d'ouvrage. Ça me gêne un peu demander un T4 au mafieux pis au motard. J'travaille au noir. Mais bon, en guillissant, je suis peut-être un peu calmé. Travaille au noir, sa construction sur toi et corps de métier. Je suis dans l'import-export de réfugiés, la vente de faux papiers. Puis je leur donne tout le nom de rejet. Mais là arrive le jour où t'as le goût de te retirer. Je me suis payé un gros sweatshop en Chine, j'ai plus besoin de travailler. Fini de passer pour un crotté, pour pouvoir faire la pièce. Là, les kids travaillent à ma place. Payé de syndicats ni d'assurance chômage. Mais quand vient le temps de traîner les corps, moi je manque jamais d'ouvrage. Pour une fois que je fais une œuvre de bienfaisance et que la Chine ferme sa gueule, je contrôle les naissances moi tout seul. C'est fou. Caravane. Saint-Eustache, y'a encore des vaches. Mais ils ont pas tort, mon ex, il reste encore. Y'a l'autre qui pense que c'est perdu au fond de la forêt. Mais du hors-verglas de l'électricité, on en avait. Saint-Eustache, c'est patriotique. L'extermination des Anglais, on y pratique. Saint-Eustache, rêve inachevé. Jusqu'à temps que le moulin soit décollissé. Plusieurs connaissent la belle église des patriotes. Moins de gens connaissent ce rendez-vous de fumée de potes. Derrière la façade des prestigieux boulets de canon, les plus tripeux font de fructueuses transactions. Saint-Eustache, pays des revendeurs, notre produit est si bon, pourquoi l'acheter ailleurs? Saint-Eustache, capitale du brûlé, comme des feux d'artifice, nos cellules vont cramer. C'est le temps puis jouer au bouillot de patriote. Dans le parking, tu fais des birds, tu fais ton one. Les casquettes blanches. Y'a aussi la Dorf pour les Gino avec leur Civic. Et l'Obélix pour les mononcles poudreux alcooliques. Saint-Eustache où y'a rien à crisser. Une gang de finis à passer pour le prouver. Saint-Eustache, lieu de festivité. La Saint-Jean dans le bout sur 10 jours d'affilée. Mais Saint-Eustache, c'est quand même pas si pire. Quand tu regardes deux montagnes qui essayent de s'en sortir, mais la banlieue reste que s'y trouve en sacrement. Je connais mon candle en appartement. C'est un stage de la formation Les Violents Cachalots, ça vient de leur album 11 ans de succès. Avant ça, c'était Je travaille au noir. On a débuté avec sur le cover du journal Voir. Les Violents Cachalots qui d'ailleurs vont être en spectacle demain, samedi le 23 mai, au Île Moteur. Ça, c'est à 20h30 à Montréal. Les violents cachalots sont nés d'un croisement probable entre deux énormes mammifères juvéniles dotés d'une généreuse pilosité dans les eaux usées de 1995, quelque part entre deux montagnes et Saint-Eustache, dit leur document de presse. Narval Balboa, à la guitare, ukulélé et voix, et Foc du Rivage, à la basse, bassesse et grognement. Jadis naguère, alors que Narval composait des chansons tranche-veine dans son sous-sol, Foc avait déjà plusieurs projets musicaux derrière la cravate, passant du metal au blues, au punk rock et même au post-rock. La conjoncture des deux abrutis donna naissance à un nouveau courant musical, le pop-rock. Outre leur manque de civisme, ils partageaient des valeurs de base, plusieurs pathologies, une gonorrhée grimpante ainsi qu'un amour inconditionnel pour le cynisme et l'humour au troisième degré. Enfin, ils s'adonnèrent à la mise en commun de leurs 11 ans de matériel poussiéreux pour vous offrir une sélection de leurs plus grandes mélodies malpropres, agrémentées de textes odorants, aux saveurs de l'Est et aux accents banlieusardants. Un heureux mélange de malaise social et de gros chantiers qui relate aujourd'hui les péripéties trépidantes de nos alter ego aux convictions amorales et crues et dont les disques sanglants vous présente avec fierté. Allez voir violentcachalot.com ou encore myspace.com/violentcachalot pour en savoir plus sur ces hurluberlus. On continue avec un groupe qui est passé par nos palmarès, Saveur Marmelade, et leur album s'appelle « Et une nouvelle robe pour le carnaval ». On commence avec la pièce « Fish Eye ». Tout de suite dans le poste d'écoute de C'est fou au 89.1 FM. le poste d'écoute. Vraiment intense pour une pièce qui s'appelle Valse, n'est-ce pas? C'était Saveur Marmelade avec leur nouvel album et une nouvelle robe pour le carnaval. Avant Valse, c'était Soda Tonic, on a débuté avec Fish Eye. Voici donc le tout dernier album de Saveur Marmelade après un silence de 5 ans qui le sépare de leur premier disque Boire, Crier, Mettre Feu, dit leur document de presse. Vous avez donc entre les mains cette galette de 16 chansons. Hein? Mais qu'est-ce qu'on a là, Saveur Marmelade? Un groupe de rock garage, si l'on veut, dont le quartier général est situé à Saint-Jean-sur-Richelieu, ville désormais célèbre pour son amalgame de groupes originaux qui y ont vu le jour, dont Sub, les Marmottes Aplaties, Capitaine Révolte, Toké Volca et les autres. Formé en janvier 2000, le groupe a connu un parcours sinueux, disent-ils, choisissant la plupart du temps d'entrer par la porte arrière plutôt que de passer par le tapis rouge et repartir par le chemin de garnottes raboteux de l'Underground en direction d'un autre bar miteux. On compte tout de même quelques succès radiophoniques, dont, je dois faire une petite parenthèse, Bombe au Clark, qui était sur nos palmarès pas mal longtemps. Le groupe est formé de Phil Lips, avec guitare, voix et harmonica, Fred à la batterie, Matt à la basse. Et voilà, donc c'est une nouvelle robe pour le carnaval de Saveur Marmelade. Allez voir myspace.com/saveurmarmelade ou encore saveurmarmelade.com. On reste dans le francophone pour aller entendre la formation Osmosaïque. Et tout de suite, voici la pièce Courons dans les bois. Dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés musicales pour la première fois, tous ensemble au 89 FM. C'est fou! Te regarder poste d'écoute. Au cœur d'un désert en danger de s'allumer, je cherche l'ombre où je pourrais poser mes pieds. Le diable dans ma tête semble me crier, ne te retourne pas, évite toute alerte. J'ai trouvé un guide et je marche dans ses pas. Ben, c'est désordre total, mais quand même, on est là, tu sais, on aime ça. On va entendre Os Mosaic avec les trois premières pièces de leur nouvel album. On a entendu Alerte, précis de Canyon et de Courons dans les bois. Lisons un petit peu sur Os Mosaic sur leur MySpace, au myspace.com/osmosaic, S-A-I-C. Ça me dit que c'est un groupe de Sainte-Catherine au Québec. Et puis là, j'ai regardé leur spectacle, voir s'il y avait des dates à Trois-Rivières. Non, mais il y en a plusieurs à Montréal, dont demain au Petit Bar à 21h30. La voix et la guitare, Mario Landry et Viviane Lamy font des chansons traditionnelles, folk, rock, progressif et musique du monde. C'est ce qui les inspire. En tout cas, bref, influence. Que voulez-vous? C'est leur deuxième CD, leur premier 1 est disponible sur iTunes, CD Baby et Blue Tracks. Et me voilà avec ma feuille de biographie, enfin. Le groupe Os Mosaic ne ressemble à aucun autre et c'est très bien ainsi, disent-ils. Son répertoire de chansons intemporelles, de même que ses savantes harmonies musicales, le place véritablement dans une classe à part. C'est très gentil de leur part à eux-mêmes, ça. Un duo formé donc de Viviane Lamy et de Mario Landry, Os Mosaic lance son second album homonyme, qui succède à un qui est paru en 2004. Fruit d'une habile fusion des genres, Os Mosaic nous propose un fascinant voyage musical hors du temps et des modes. L'album Os Mosaic a été réalisé, enregistré, arrangé et mixé par François Lalonde, qui travaille avec Lassa, Thomas Jensen, Le Loup, Marco Cagliari, Doba Caracol. Les musiciens qui ont participé au disque, il y a aussi François Lalonde encore, Yves Lambert, qu'on connaît bien, Nemo Venba, Claude Saint-Jean, Mario Yaré, Jean-Denis Levasseur et Marie-Soleil Bélanger. C'est ce que ça dit sur leur document de presse. On continue avec ce qu'on était en train d'entendre avant que j'embarque comme ça tout croche là. L'album Grand Naïf, c'est un recueil de chansons de Dom Lebeau, qui est l'ancien batteur des Cowboys Fringants. C'est son premier album solo. Et on commence avec la pièce Le Vide tout de suite. On marchait sur une rue, laquelle je me souviens plus. Pas vraiment d'importance. Là, il dit ça va, tu m'as pas répondu. Un Klondike de silence. J'entends plus rien que ma voix. Le vide me casse les oreilles. La pression est insoutenable. Il était en Paris. Le poste d'écoute. n'en fais donc pas. Maman, je suis encore ton petit gars. Il y a des moments où je me demande comment. Maman, souvenir bien longtemps. J'ai toujours fait attention, jouer avec ma vie à l'occasion, pris l'auto légèrement en boisson. Pour tout ça, je dois demander pardon, maman. C'est fou dans vos oreilles. 89.1. If me put away. J'aime ça quand ça rentre. La grosse bouche. Vas-y, déshydrate-moi. Bois-moi jusqu'à plus soif. Je voulais m'évaporer justement. C'est l'heure où tu te fais justice. On m'a dit d'être méfiant. Tu sois ou bien que tu t'éclipses. Pour longtemps, tant que tu tiens là et puis que tu m'aveugles. La grosse bouche jaune. M'en rester drette, j'en prendrai plein la gueule. La grosse bouche jaune. M'en pisser face au vent, le faire malgré la tempête. M'en sourire à belles dents, courir comme une poule peut-être. Remettre. On trouvera un antidote. La réputation est si surpris, j'aime ça. J'aime vraiment ça. Dom Lebeau. Premier recueil de chansons de sa part, ça s'appelle « Grand Naïf ». On vient d'entendre la pièce « Grosse boule jaune ». Avant ça, il y avait « Moment », « Le vide » et « Final ». Dans le, ça me dit ici sur l'album que sur le livret, il y a tous les textes ainsi que la biographie du disque et plein de choses. Vous pouvez aussi aller voir sur domlebeau.ca pour avoir plus d'informations. C'est très bien fait, c'est très joli, les photos sont très cute. Il y a beaucoup de traits là-dedans. Et là, j'étais sur domlebeau.ca, domlebeau.ca. Ça dit « Dom Lebeau invente des chansons. Il jouait de la batterie dans un groupe populaire. » Et si on n'écrit pas que c'était les Cowboys Fringants. « Maintenant, il prétend pouvoir chanter et jouer de la guitare. En tout cas, il aime beaucoup ça. » C'est ce que ça dit. Et je trouve ça le fun comme petit texte. Ça fait genre « Je me prends pour un autre. » L'album est disponible depuis aujourd'hui, vendredi le 22 mai, si vous écoutez en direct. Les dates de spectacle, il y en a beaucoup. À Montréal, entre autres. Mais il y en a un à Trois-Rivières qui s'en vient bientôt. C'est au Nord-Ouest Café le 27 mai. Et ça, le 27 mai, c'est mercredi. S'en vient. Donc, c'est à 21h, ça coûte 10$. C'est au Nord-Ouest Café, ici à Trois-Rivières, avec Major en solo en première partie. Sur domlebeau.ca, donc, où j'étais, il y a plein de vidéoclips, de photos et de choses intéressantes. Donc, allez voir ça, c'est conseillé. C'est un des albums que j'ai aimé jusqu'à maintenant, même si c'est juste le quatrième. Cinquième album pour cette première heure du poste d'écoute où on découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois tous ensemble. On s'en va entendre un autre, vétéran de nos palmarès, Pat Frazier. Son album le plus récent s'appelle Bombe Atomique et tout de suite voici Bionic Surf. Au 89 FM, c'est fou dans vos oreilles. We'll be right back. Pat Fraser et sa pièce Bombe Atomique, c'est la pièce titre de leur de son pour le sort album. Donc ça c'est la fin de la première heure, il nous reste une pièce à l'entendre de Pat Fraser, les gens ont l'air, ça va être au début de la deuxième heure, et à venir dans la deuxième heure, il va aussi y avoir The Field avec Yesterday and Today, Settle avec At Home We Are Tourists, Life Blown Open et leur album The Industry et Lilin avec Warrior Angel, tout ça dans la deuxième heure du poste d'écoute. Reste avec nous. Hein? C'est la deuxième heure du poste d'écoute. Bonjour, c'est la deuxième heure du Post-Écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour toute première fois en même temps que vous. Je m'appelle Mathieu Plante. Il nous reste 2 heures donc, pour déballer des CD presque live en studio, les mettre dans un lecteur, les faire jouer sans trop savoir ce qui s'en vient. C'est ce qu'on fait toutes les semaines en direct les vendredis matin à 10h. On rappelle les lundis à partir de 15h tout l'été. Dans cette deuxième heure, on va entendre plein de bonnes informations, sûrement, en tout cas, j'imagine. Ça va être de l'alternative anglophone, donc on sait pas. Ça pourrait être bon, ça pourrait être mauvais. Alternative, qu'est-ce que ça veut dire, ça, alternative? Bon, t'as dit. Mais avant de passer à l'anglophone, il nous reste une pièce à entendre du côté francophone, la dernière pour cette semaine. Elle est de Pat Frazier, c'est la 3e de son album Bombe Atomique. Voici Les gens ont l'air. Assez fou! Dans vos oreilles. Pat Frazier et les gens ont l'air de son album Bombe Atomique. J'aime bien le style de Pat Frazier, moi qui est un auteur, compositeur, réalisateur montréalais, ayant collaboré avec Alpha Rococo, Annick Jean, André Waters, oh, à date, ça va très bien. Catherine Durand, Karine Tessier, Joran, Beta, les tubes. C'est ce que ça dit sur son MySpace, au myspace.com/PatFrazier, F-R-A-Z-E-R. Musicien instrumentiste, il s'amuse sans prétention à composer des chansons et les enregistre en solo dans son studio pour finalement nous les présenter sur un album quand les chansons deviennent trop nombreuses, entassées et désire s'évader de son ordinateur pour aller fureter subtilement sur les tablettes de quelques disquaires. Pas trop friand de se présenter sur scène en solo, il préfère souvent accompagner ses amis en spectacle ou réaliser des albums dans son studio au petit désarroi de ses quelques fans québécois et européens. Mais un jour, qui sait, fera-t-il peut-être une autre tournée? Seulement, les fous ne changent pas d'idée. Mais Pat Frazier le serait-il? En écoutant bien ses textes, on pourrait dire... j'imagine qu'il est fou, tu sais. Bref, Discographie, en 2006, on se rappelle, en tout cas, je me rappelle, hein, je vais pas vous dire de quoi vous vous rappelez. En 2006, il y avait Propagande, son album qui avait fait un petit tour dans les palmarès ici, même assez fou. Allez voir donc myspace.com/PatFrazier pour en savoir plus sur l'artiste en question. Ça fait le tour pour le francophone. On saute à l'anglophone alternatif pour en entendre la formation de Field et leur album Yesterday and Today. C'est un maxi de seulement 6 pièces. Commençons par la première, I Have the Moon. You have the internet. Dans vos oreilles, au 89.5. C'est fou, ça, hein? Hey, en direct sur internet, dans ceux qui ont internet, www.cfou.ca, hein, pour écouter en direct. Et unechance.com pour la balade aux diffusions et pour les liens de tous les artistes de l'émission d'aujourd'hui et de toutes les émissions du poste d'écoute. Le poste d'écoute. 89.1. On écoute The Field avec Leave It dans le poste d'écoute de C'est Fou. Avant ça, c'était Everybody's Got to Learn Sometime. On a débuté avec I Have the Moon, You Have the Internet. La pièce qui joue en ce moment dure encore un bon 9 minutes. Et si on suit aux deux pièces d'avant, c'est pas mal la même chose au début à la fin, donc je peux parler par-dessus. The Field au myspace.com/The Field, STHLM. Bref, le lien est sur lunechance.com, le site de l'émission. C'est un groupe de Suède. C'est ce que j'apprends sur MySpace. Il y a des vidéoclips, il y a beaucoup de spectacles aux États-Unis, en Europe. Mais il y en a un à Montréal, plus près de nous, le 19 juin à 21h au sein. Il y a beaucoup d'informations là-dessus, quand même. Plusieurs remixes qu'ils ont fait, plusieurs 12 pouces, plusieurs albums, plusieurs amis à aller voir. Donc, The Field et leur album Yesterday and Today. On va rester dans l'alternatif anglophone parce que je vous ai promis trois autres albums dans cette deuxième heure-là. Faudrait essayer de faire rentrer ça. On va entendre Settle avec At Home We Are Tourists. Tout de suite, voici la pièce Grand Marshal's Mooncloth Robes dans le poste d'écoute. Ah, c'est fou! 89.1 FM. Oh, like your father was, just like your mother was. What did you do? Settle et l'album At Home, We Are Tourists. On vient d'entendre la pièce Rite of Passage, précédée de Naked at a Family Function. Et au début du bloc, c'était Grand Marshall's Mooncloth Robes. L'album de Settle est en magasin maintenant. Ils sont au myspace.com/Settle. C'est un groupe de Easton en Pennsylvanie aux États-Unis. Ça dit ici qu'ils ont débuté en 2001, qu'ils ont changé beaucoup de line-up, comme on dit dans le domaine, là, de musiciens ou de gens dans le groupe. Histoire compliquée, floue, comme l'histoire de la plupart des choses qui sont floues, disent-ils. Donc, myspace.com/Settle ou encore settlemusic.net si vous voulez en savoir plus sur leur album At Home, We Are Tourists. On reste dans l'anglophone alternatif. Plus tard, il va y avoir Lilin avec Warrior Angel. Mais pour l'instant, on s'en va entendre le groupe Life Blown Open. Leur CD s'appelle The Industry. Tout de suite, voici Wake. Deux petits points. Ouvre la parenthèse. The Conscience. Ferme la parenthèse. Dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble. Entre parenthèses, assez fou 89.fm. Entre guillemets, la meilleure radio à Trois-Rivières. Souligné, encadré, soigné. Les coups de paper sur moi. are faded, reflections are all that's left. Complicated, lives are jaded. Oh, I think I need to take a breath. Fortune faded, we almost made it. Le poste d'écoute. We'll be right back. heads together, I sit staring out the window and breathe. I'm looking for something I know. I'm looking for some sort of reprieve or revelation, just something to make me, just something to make me childish over again. Again, again, again, yeah. 'Cause everyone's been a smile. Life Blown Open et leur album The Industry. On vient d'entendre la pièce Burnt by Time. C'était précédé de I'll Never Be the Same et de Wake the Conscience dans le poste d'écoute au 89 FM. Donc, Life Blown Open qui est au myspace.com/Life Blown Open. C'est un groupe de Sudbury en Ontario. Justin Ross, Tanner Reinhardt, Paul Loewenberg. C'est pas mal toutes les informations qu'il y a sur leur MySpace. C'est pas très, très garni, mais c'est une belle place pareille. Allez les voir, Life Blown Open, ou passez par le site de l'émission au www.unechance.com. C'est la fin de la deuxième heure du poste d'écoute. Il nous en reste une dernière, une troisième. Il va y avoir Lilin avec Warrior Angel. On va aussi entendre The Novaks et Dust Poets avec World at Large. C'est dans la troisième heure du poste d'écoute. Restez avec nous! C'est la troisième heure du poste d'écoute. Bonjour, c'est la troisième heure du poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Je m'appelle Mathieu Plante. Je vous rappelle qu'on a un site web au www.unechance.com et là-dessus, c'est facile de suivre l'émission en direct les vendredis matin de 10h à 13h. Je poste les liens de tout ce qui se passe dans l'émission www.unechance.com. Dans cette troisième heure du poste d'écoute, il va y avoir Dust Poets avec World at Large. On va sûrement pouvoir entendre Mr. Something Something avec Shine Your Face. Il va aussi y avoir The Novaks, mais on commence avec Lilin. Son album s'appelle Warrior Angel. Voici Love Story. Je sais pas, ça s'annonce mal avec la pochette. Je sais pas, je donne une chance. Une chance au coureur. À un moment donné, on donne ça. Nous autres, c'est freestyle. Ah, c'est fou. Spotted you in the crowd, your eyes, your smile, the way you looked at me, time stopped for a while. And now comes the moment of truth, am I strong enough to step in front of you? And now you'll see what I'm made of. Let me touch you, let me wonder how we could love each other. In the evening, in the morning, est-ce que c'est un petit peu Shakira, selon vous aussi? Est-ce que je suis tout seul à penser que ça fait un petit peu Shakira? Hein? Je sais pas. Vous pouvez me téléphoner au 819-376-5183, toujours en direct les vendredis matins. 819-376-5183, si vous croyez que c'est trop Shakira. Il me semblait aussi que c'était trop Shakira. Merci de m'avoir appelé, cher auditeur. J'adore ça, l'interactivité. De même, c'est très, très Shakira. Je l'aurais coupé à un moment donné, pareil. Bref, de nos bacs, c'est le prochain groupe. Voici Why Wonder. Pourquoi je me le demande? Vous êtes dans le poste d'écoute. Ah, c'est fou! No room for poste d'écoute. The darkness ain't dark enough. The Novak, c'est la pièce There Goes the Night, précédée de Billy the Kid et de Why Wonder dans le poste d'écoute de C'est Fou au 89.1 FM. The Novak, mais qu'est-ce que ça veut dire, The Novak, hein? Allons voir myspace.com/TheNovak, ça nous apprend là-dessus que c'est un groupe de Saint-Jean, Terre-Neuve. Oui, ils sont en tournée en ce moment, ils font Terre-Neuve au début du mois de juin, ensuite ils font l'Ontario et puis la Nouvelle-Écosse. Voilà. TheNovak.ca. Et puis c'est Mick, Mark et Arthur Fonzarelli. C'est ça. Puis là, ben, je cherchais d'autres affaires, mais le texte a l'air super plate. Bref, on ne peut pas trop en savoir non plus sur votre vie personnelle. De Novak, c'est l'album Things Fall Apart. On reste du côté canadien pour aller entendre Dust Poets avec leur album World at Large. Plus tard, on va entendre un petit avant-goût comme ça, Stay Gold et Mr. Something Something. Donc, restez à l'écoute pour ça. Même si vous connaissez pas ça, vous allez les entendre tantôt. Dust Poets, eux, commencent avec la pièce Big World. Tout de suite. Dans vos oreilles au 89.fm. Décousu un peu comme he façon ça. He could be me or you, but he was somebody else. He can be tame or rude, he's busy being himself. He doesn't have a job, he doesn't have a home, but he's got a place where he can be alone. In the big world, well, it's a world at large. It's a big world, now give it back a heart. It's a big world, don't tear yourself apart. It's a big world, let's make a big new start. He doesn't need the facts. If he's not in the mood, he's always making tracks on the search for soul food. Well, and the businessman is stepping over him, trying to keep himself warm. He's sleeping in the wind of the big world. Well, it's a world at large. It's a big world, now give it back a heart. It's a big world, don't tear yourself apart. It's a big world, let's make a big new start. So small, both good and evil wanna rule it all. It's got everything worth fighting for. It's a world at peace with a world at war. He lives in the shade of the tallest tree. At night I can't see him, but his eyes are on me. And I can feel his pulse, we got the same blood type. We're not different, neither sleeps well at night. In the big world, well it's a world at large. It's a big world, now give it back up. Don't tear yourself apart. It's a big world, let's make a big new start. It's a big world, let's make a big new start. Le poste d'écoute. Jail is the place where you should keep it shut. She waits in silence for the phone to ring. She picks it up and listens hard. Tries not to breathe and tries not to disturb. She was a straight line on a learning curve. Before the conversation hit the curb, she listened hard to his last word. Everyone deserved, everyone deserved. It's always quiet on that border town. Everybody's got their head bowed down. They're in like strangers, they don't out of town. There was no one left to talk about. The knot was tied when they got out of school. The shotgun wedding got them hitched on time. An occupation based on petty crime. He did the time, all the time. They met behind the fence before the dawn. That love could not go anywhere but wrong. He said revenge is just as sweet as you. She hung it up and listened hard. Everyone deserved. Everyone deserved. Everyone deserved. C'est extrêmement typiquement canadien, ça. Dust Poets avec Border Town, précédé de Big World de leur nouvel album World at Large. C'est pas que j'aime pas ça. J'aime bien la chose. Mais, tu sais, c'est canadien, c'est pas très, très, c'est fou. Hein. Leur nouvel album sort le 26 mai à Dust Poets. World at Large, c'est le nom de l'album. Ils viennent de Winnipeg et de Toronto, Manitoba. Un paquet de places comme ça. Au Nanole, Winnipeg, Toronto, Manitoba, Canada. que ça dit sur leur MySpace. Allez voir myspace.com, Barbie et Dust Poets, ou encore dustpoets.com pour en apprendre plus sur eux. Ils sont en grosse tournée au Canada en ce moment même. On va passer à un groupe que je dois clarifier les choses. Là, tantôt, je crois que je les ai appelés Stay Gold. Je sais que le nom, c'est Pony Up. Le nom me disait quelque chose tantôt. Key One aime bien ça. Mon co-animateur des palmarès, Pony Up. Il me semble que c'est le nom qui m'est resté dans la tête. Pony Up. Donc, on va l'entendre leur album Stay Gold et la pièce Manchild. C'est un groupe de Montréal. J'ai bien hâte d'entendre ça. Et voici dans le poste d'écoute de C'est Fou. On découvre les nouveautés musicales tous ensemble pour la première fois dans vos oreilles au 89.1 FM. Yeah. Le poste d'écoute. On est après la pièce Making More Beneath, précédée de A Crutch or a Cradle, et on a débuté avec Man Child, pochette faite à la main et même signée de la main des filles Lisa, Lindsay, Laura et Sarah de Pony Up. Et on avait l'album Stay Gold, va être disponible à partir du 30 mai sur, entre autres, iHeartPonyUp.com, édition limitée, tout ça. Et quand vous achetez l'album, ça inclut une copie numérique immédiate de Charles, qui est leur simple. L'album, comme je disais, sort le 30 mai. Ça dit sur leur document de presse que ça a été enregistré au printemps 2008 au légendaire Hotel to Tango Studio à Montréal avec le producteur Murray Lightburn qui est chanteur, auteur, compositeur, interprète et producteur des Deers. Donc, nouvel album pour Pony Up, Stay Gold, qui est, et là je cite, sans question leur album le plus cultivé jusqu'à maintenant. C'est ça. iHeartPonyUp.com, c'est leur site web. Sinon, allez voir aussi myspace.com/iHeartPonyUp pour en apprendre plus sur le groupe qui vient de Montréal, qui est très sympathique. On reste du côté canadien de notre poste d'écoute cette semaine où on découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble. Tantôt, il va y avoir Captain Fire Button vers la fin de l'émission, mais pour l'instant, c'est Mr. Something Something. C'est deux groupes avec des noms bizarres, tu sais. Captain Fire Button et Mr. Something Something. Donc, celui-là s'appelle... l'album s'appelle Shine Your Face et on commence avec la pièce The Antidote. Dans le poste d'écoute de C'est Fou. et allez voir le cifou.ca pour écouter en direct sur Internet et le unechance.com pour les liens de l'émission de cette semaine. Unechance.com. Show me the antidote. The neighbors know an old man who went and sold his house and bought a Winnebago, and when birds were heading south to drive until our last wish had been carried out. In the spring his motorhome is parked across the street Radio Autrement. crushed were the birds that used to eat straight from my hand. Tight was the windpipe, tight that you cannot close your eyes against the gas. Cold was the nightstick, cold was the hand that shot the process in the back. Straight was the bloodline, straight was the path taking human shape in the infrared. Hard was the daylight, hard was the act that brought the temple on the head. Strict was the God's word, strict was the message that was written in the sand. Stone was the table, main was the woman, but us only half a man. Down. That a child must die. Show me conviction. Show me the picture that a man could make. His mind. Don't wanna lose, don't wanna lose. Don't wanna lose, don't wanna lose. No. Don't wanna lose, don't wanna lose. Don't wanna lose, don't wanna lose. No. Don't wanna lose, don't wanna lose. Don't wanna lose, don't wanna lose. No. Don't wanna lose, don't wanna lose. Show me conviction. Where is it written down that a child must die? Mr. Something Something, Make Your Mind, dans le poste d'écoute. On s'en a entendu Only the Maker et puis The Antidote a débuté ça. Ça vient de leur album Shine Your Face qui sort le 3 juin. MySpace.com/Mr. Something Something, c'est leur site principal. Ou ben presque, non, c'est leur MySpace. Leur site principal, c'est MrSomethingSomething.com. Là-dessus, on apprend que c'est un groupe de Toronto. Allez vous renseigner sur eux. J'aime bien cette musique-là. D'ailleurs, j'aime ça. J'en ai mis 3 pièces. J'aurais peut-être dû en laisser jouer seulement 2 pour pouvoir en entendre 2 de notre prochain groupe avec lequel on va devoir se quitter. On va seulement entendre 1 pièce de l'album de Captain Firebutton. C'est dommage de pas leur donner plus de chance que ça. Mais on va entendre la pièce Old World dans quelques secondes. Ah, il y a une pièce qui s'appelle Unix Girl. Ça me tente de faire jouer Unix Girl. C'est ce que je vais faire. On va parler tout de suite de Captain Firebutton avant de l'oublier. C'est un groupe de rock alternatif qui est au myspace.com/CaptainFirebuttonBand ou CaptainFirebutton.com. C'est un groupe de 5 personnes indie rock, des musiciens professionnels avec différents passés dans la musique. Allez voir leur site pour apprendre les noms des autres formations qu'ils ont eues avant. Nous, on se quitte déjà pour le poste d'écho de cette semaine. C'était une très bonne émission avec quand même pas mal de musique que j'ai bien aimé, dont Dom Le Beau avec Grand Naïf, ça c'était très bon. Pat Frazier aussi avec Bombe Atomique. J'ai aimé Pony Up avec Stay Gold, mais mon poste d'or cette semaine, ça donne à être de Novax avec Things Fall Apart. Allez voir le unechance.com pour le lien et pour entendre d'autres pièces de The Novax et de tous les autres groupes de l'émission de cette semaine, www.unechance.com. D'ailleurs là-dessus, il y a la balado diffusion de l'émission en MP3 chaque semaine. Ben donc, on se retrouve vendredi prochain à partir de 10h pour une autre édition du Poste d'écoute. On est en rappel tout l'été, les lundis à partir de 15h. Je vous retrouve aussi à CNX et dans les Palmarès C'est Fou. C'est Rock Classique qui suit le vendredi à partir de 13h. Passez une excellente fin de semaine et tout le reste. Bye bye! What? even half as well as you could.